Durant sa permission, Jacques ne comprenait rien à l'attitude de sa femme. Les jours où Marthe se prétendait le plus malade, elle exigeait de sortir. Marthe, ne pouvant confier à personne les lettres à mon adresse, les mettait elle-même à la poste. Mais à certains moments, je m'épouvantais du mal dont j'étais l'auteur. Car Marthe continua de désespérer Jacques. Il repartit sans courage. Tous mirent cette crise sur le compte de la solitude énervante dans laquelle vivait Marthe, car ses parents et son mari étaient les seuls à ignorer notre liaison. Quand je lus la première lettre de Jacques, je fus pris de panique. Il disait combien, s'il n'avait plus l'amour de Marthe, il lui serait facile de se faire tuer. Marthe avait beau me répéter qu'il était moins inhumain de ne plus flatter l'espoir de Jacques, c'est moi qui l'obligeais de répondre avec douceur. Que Jacques me dût si cette joie atténuait mes remords.